on it, on your tip, pas un ragga, baby. Rude boy, come with us and check your body. Yeah. Ce soir dans le club, tout le monde est irie. Here we go. Sexy, sexy, sexy. DJ monte son, on est ready, ready. Baby girl, come on and move your body. Ce soir dans le club, tout le monde est irie. Tu joues les Batman, montre-moi que t'es chaud. Hey. Tu joues les rude boy, montre-moi que t'as le niveau. Hey. Arrive, fais de la place pour mes gals, pour mes go. Tout le monde les mains en l'air, on suit tout ce tempo. À chacun son style, baby boy sur le rhythm. Suis la démo, laisse-toi aller, tout n'a qu'être clean. Paris dans la danse, c'est qu'une question de feeling. Tout le monde les mains en l'air, c'est parti pour le swing. Shake your body. Et ça t'amène dans l'univers de la night. Move your body. Puis dans le son, ce qui plane, c'est pas du light. On se dévoile. Put your hands in the sky if you wanna get high. Dancehall, la musique qui fait bouger la foule. Dancehall, tout le monde sur la piste, on se défoule. Dancehall, fais bouger ton corps, man, et sois cool. Dancehall, yes, my man, dancehall, come again. Shake your body. Et ça t'amène dans l'univers de la night. Move your body. Puis dans le son, ce qui plane, c'est pas du light. Come on.